1 Pierre 1, verset 22. 1 Petrus 1, vers 22. Amen. Amen. See you have purified your souls in obeying the truth. You purify your souls in obeying the truth. Mm-hmm. Through the Spirit, unto a faint love of the brethren. How I know that that your soul is purified is how you are one with God's children. Dass deine Seele gereinigt ist, das zeigt, I'm not fighting one another. Indem du eins bist mit den Kindern Gottes, nicht einander bekämpft. Et ici on a écrit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Et ça, ici ça montre aussi. Donc, oui, amen. Amen. Praise the Lord. How your soul is clean. How I can know you. Wie ich dich erkennen kann, wie ich weiß, dass deine Seele gereinigt wird. La façon comment je peux savoir que ton âme est purifiée. It's how you are one with God's children. Si du eins bist mit Kindern Gottes. C'est ça se montre comment tu es un avec tes frères et sœurs. How to clean your soul. Wie wir unsere Seele reinigen. Comment tu purifies ton âme. It's not by hearing religious messages. Nicht nur religiöse Botschaften hören. C'est pas quand tu écoutes des messages religieux. Amen. Christian message can never save you. Christliche Botschaft kann ich niemals retten. Le message chrétien ne peut jamais te sauver. Christ's word is the truth. Das Wort von Christus ist die Wahrheit. Mais la parole du Christ est la vérité. And not a truth. Nicht eine Wahrheit. Et pas une vérité. Are you getting it? It is the truth. It means the only truth. Das ist die einzige Wahrheit. C'est la vérité, donc la seule vérité. He said, I am the way, the truth. The life. It means without me, there is no life. Without me as the truth, there is no truth. Das heißt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, ohne mich gibt es keine Wahrheit. Il a dit que je suis le chemin, la vérité, donc pas un bien une. Et amen. Those that we want to say are truth. Everybody are talking truth. We are saying truth. Christ is saying, I am the only truth. Christus sagt, ich bin die einzige Wahrheit. Ne? Besonders nochmal für die Leute, die immer wieder von mehreren Wahrheiten sprechen oder von sprechen, dass Wahrheit relativ ist. Nein, Christus sagt, ich bin die einzige Wahrheit. Amen. Et encore, le Christ, il nous dit qu'il est la vérité, la seule vérité. Et c'est aussi important pour ceux qui disent que le Christ est une des vérités différentes. Non? The truth means there is no other truth. Die Wahrheit bedeutet, es gibt keine andere Wahrheit daneben. Si on dit la vérité, ça signifie qu'il n'y a pas une autre vérité à côté. There is no other word that is truth except my own word alone. Es gibt That's what Jesus kein said anderes to us. Wort, was wahrhaftig ist, Wahrheit ist, als mein Wort. Das sagt Jesus Christus zu uns. Donc Jésus Christ nous dit qu'il n'y a pas une autre vérité sauf celle de la mienne. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord train us with one another. Der Herr bildet uns aus miteinander. Et le Christ nous éduque avec l'un et l'autre. Amen. Amen. Our peace is from inside. Unser Frieden kommt von innen. Notre paix, ça vient de l'intérieur. If we cannot live with one another in peace. Wenn wir nicht miteinander in Frieden leben können. Et si on peut pas vivre avec l'un et l'autre dans la paix du Christ. If you cannot live with your brothers and sisters. With God kind of peace. Wenn du nicht mit with God kind of peace, that's what I'm talking about. Wenn du nicht mit deinen Geschwistern in Gottes Frieden, in seinem Frieden leben kannst. Et si tu ne peux pas vivre avec tes frères et sœurs dans la paix du Christ. How can you live in peace with the true husband or wife that the Lord going to give you. Wie kannst du dann in Frieden leben mit der Person, die der Herr dir als Ehemann oder Ehefrau gibt? Comment est-ce que là tu vas être capable à vivre avec le mari mais la femme naturelle que le Christ a pour toi? Amen. Amen. It is his will that you marry. Es ist sein Wille, dass du heiratest. C'est sa volonté que tu maries. But not without training. Aber nicht ohne Ausbildung. Mais pas sans la formation. It's not without him himself training you. Nicht ohne seine Ausbildung. ce n'est pas sans sa propre formation. He trains us with one another. Er bildet uns aus miteinander. Il nous éduque avec l'un et l'autre. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Mm. In Luke 16 from 10 to 13, he said, if you cannot handle this, how can I give you this? In Lukas 16 lesen wir, wenn du nicht mit dieser Sache klarkommst, wie willst du dann mit der größeren Sache klarkommen? Et même dans Luc, Jésus-Christ nous dit que si tu ne peux pas être fidèle avec le petit, comment tu vas être fidèle avec le grand? If we cannot live in peace with one another as brothers and sisters in Christ. In Frieden leben können als Brüder und Schwestern in Christus. Si nous ne sommes pas capables à vivre dans la paix du Christ avec nos frères et sœurs en Christ. The brothers and sisters you see, they are the Christ you know. Die Geschwister, die wir sehen, sind der Christus, den wir kennen. Les frères et les sœurs que tu vois sont le Christ que tu peux voir. And how can you marry and live in peace with that person? That Christ is saying it is me also. Wie kannst du dann heiraten und Frieden leben mit der Person, die Christus dir gegeben hat? Et là, comment tu vas être capable à vivre avec ton mari ou bien ta femme naturelle si tu ne peux pas avoir la paix avec les enfants de Dieu? I know we are growing. Ich weiß, dass wir wachsen in Christus. Je sais qu'on grandit en Christ. In what he called the truth. In dem, was er die Wahrheit nennt. Dans ce qu'il appelle la vérité. Please let us not stop growing. Lasst uns bitte nicht aufhören zu wachsen. S'il vous plaît, on ne doit pas arrêter de grandir. It should not be one step forward and two step backwards. Wir dürfen niemals einen Schritt nach vorne und wieder drei Schritte zurück machen. Amen. Amen. On ne doit pas faire un pas devant et deux pas en arrière. Amen. Amen. Amen. One step forward and two steps backward. Today we are just dancing samba. We are dancing together. But tomorrow, what about tomorrow? What about after church? Heute tanzen wir und alles ist wunderschön, alles ist überglücklich. Und dann in der nächsten Sekunde oder am nächsten Tag ist wieder alles ist die Stimmung wieder im Keller sozusagen, wortwörtlich. Und was ist mit deinem Leben nach der Gemeinde, after church? Et on ne peut pas se réjouir aujourd'hui, on danse et puis on parle avec les enfants de Dieu, nous sommes dans la paix, mais après l'église, nous sommes encore dans la chair. Amen. Amen. Amen. You know, one step forward and two steps backward. It means Christ is not the same yesterday, today and forever for you. Ein Schritt nach vorne und zwei Schritte zurück heißt, Christus anscheinend nicht der gleiche gestern, heute und für immer für dich. Donc, un pas devant et deux pas en arrière, ça signifie que le Christ n'est pas le même pour toi hier, toujours et pour toujours. Better learn it. Hier, aujourd'hui. Hier, aujourd'hui et pour toujours. It is a must. We must live with one another in peace. It is a must. Es ist ein Muss, dass wir miteinander in Frieden leben. C'est obligatoire qu'on vit dans la paix du Christ avec l'un et l'autre. Amen. Amen. And not today everything is just one. We are done. No, we are eating and drinking. Then not the next minute. Or the next day. Or you know there are Mondays coming. Mm. Are they still going to be the same? Mm. Double minded. Mm. Und nicht von Tag zu Tag ist immer was anderes los. Es gibt immer, es herrscht stimmungsmäßig immer ein anderes Wetter im Haus. Das funktioniert so nicht, das ist nicht Christus. Und damit ist man halt zweigesinnt und nicht gleichgesinnt, genau. Ja. C'est pas qu'on boit et on mange ensemble aujourd'hui, après demain ou bien même déjà, après deux mois, nous, on parle plus ensemble, nous ne sommes plus un. On ne doit pas être divisé ou bien avoir double sensé. Double sensé. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hey, James 1. Jakobus 1. Vers 8. Jakobus 1, Vers 8. Jacques 1, Vers 8. A double-minded man is unstable in all his ways. Amen. He's unstable. A double-minded man is unstable in all his ways. Then in verse 7, let not that man think that he shall receive anything of the Lord. You see that? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. If you cannot be one with the true God children. Wenn du nicht eins sein kannst mit den wahrhaftigen Kindern Gottes, si tu ne peux pas être un avec les vrais enfants de Dieu, how can you be one with whoever he will give you as your husband or as your wife? Wie kannst du ein eins sein mit deinem Ehepartner? Là, comment tu vas être un avec ton mari ou bien avec ta femme? He is not going to give you somebody different from your brothers and sisters. Er wird dir nicht jemand geben, der anders ist als deine Geschwister. Il ne va pas te donner une personne qui est différente à tes frères et sœurs. Are you getting it? Mm. He's not going to give you somebody different. Er wird dir nicht jemand anderes geben als ihn. Cette personne ne va pas être différente de tes frères et sœurs. He trains us with one another. Er bildet uns aus miteinander in ihm. Il nous éduque avec l'un et l'autre. It is different from that of the world. Es ist anders als das in der Welt. C'est différent de celle de ce monde. They move and live together with one another, believing they can be husband and wife. Mm. Sie gehen miteinander aus und sind zusammen und glauben, dass sie irgendwann bereit für eine Ehe sind. Eux, par exemple, ils ont pour avant se marier, par exemple. Ils ont des relations avec l'un et l'autre, ils marchent ensemble, ils vivent ensemble en pensant qu'ils peuvent être un jour dans le mariage. For us, we move and live with Christ. Wir and not with one another, but with Christ. Sind zusammen mit Christus Jesus. Not with people, und nicht with mit Menschen, sondern mit Christus. Mais nous sommes un avec le Christ, on marche avec le Christ, pas avec l'homme. Remember Galatians 5:25. Wenn wir in Christus leben, sollen wir auch in Christus wandeln. Si on vit en Christ, on doit aussi marcher en Christ. Praise the Lord. Hallelujah. In John 14, verse 27. In Johannes 14, Vers 27. Amen. Talks about the peace of Christ Jesus. Geht es um den Frieden von Christus Jesus. Dans Matthieu, il s'agit de la paix du Jésus Christ. Peace between you and me. Frieden zwischen dir und mir. La paix entre toi et moi. It's coming from inside of us. Kommt auch von innen. Amen. Mm-hmm. No situation outside should change it. Keine Situation da draußen soll es ändern. Aucune situation doit le changer. Except somebody saying no to Christ Jesus. Es sei denn, jemand sagt nein zu Jesus Christus. Sauf quand une personne dit non à Jésus Christ. I don't know if you are getting it. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Our peace should never be based on situation. Unser Frieden darf niemals abhängig sein von Situationen. Notre paix doit jamais dépendre de d'une situation. Based on the outside. Basierend auf dem Äußeren. Bien, dépendre de l'extérieur. How we even love one another. Oder wie wir einander lieben. Même la façon comment on aime l'un l'autre. Should be based on how Christ loves us. So basierend auf der Liebe von Christus Jesus zu uns sein. La façon comment on aime nos frères et sœurs, ça doit être basé sur la façon comment le Christ nous aime. Amen. Amen. Should not be based on how we are there for one another, but how Christ is there for us. Soll nicht darauf basieren, wie wir füreinander da sind, sondern wie der Christus uns liebt. Et cet amour, c'est pas basé sur la façon comment nos frères et sœurs sont là pour nous, mais la façon comment le Christ est là pour nous. Amen. Amen. Should not be based on how we react to one another, but how Christ reacts to us. Und nicht wie wir aufeinander reagieren, sondern wie Christus auf uns reagiert. Et notre amour est pas basé sur la façon comment on réagit à l'un et l'autre, mais la façon comment le Christ réagit envers nous. Everything is Christ. Alles ist Christus Jesus. Tout est basé sur le Christ. That we have peace with one another is not based on who people are, but on the inside of us. Dass wir Frieden. How the Lord, you know, based on the peace of Christ in us, how he's one with us. Dass wir Frieden miteinander haben, basiert nicht auf der Person, die wir gegenüber von uns haben, sondern es basiert auf Christus Jesus, der in uns ist, der Frieden, der in uns ist. How we are one with him, Christ. Wie wir eins sind mit ihm. Et la façon comment nous avons la paix avec l'un et l'autre, c'est pas basé sur l'extérieur, mais c'est basé seulement sur l'intérieur, donc le Christ en nous, comment nous sommes un avec le Christ. True, we are talking about true peace and not fake peace. Wir sprechen über den wahrhaftigen Frieden, nicht den verfälschten Frieden. Et on parle de la paix véritable et pas la paix falsifiée. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. On Sunday also we were in Romans Am Sonntag waren wir auch bei Römer 12, 18. Et le dimanche, nous avons aussi lu Romains 12, verset 18. Yes, sir, if it is possible, live peaceably with all men. Wo steht das, wenn es möglich ist, sollen wir in Frieden leben mit allen Menschen? Et là, on a écrit, s'il est possible, on doit vivre, soyez en paix avec tous les hommes. And not with Satan. Aber nicht mit dem Satan. Mais pas avec le diable. Amen. Amen. And that does not mean we have to love evil. Das heißt nicht, dass wir das Böse lieben sollen. Ça signifie pas qu'on doit aimer le mal. Remember Satan's smell. Erinnert euch an den Geruch des Satans. Et rappelez-vous à l'odeur du diable. The flesh smell. Der Geruch vom Fleisch. L'odeur de la chair. The good of this world smell. Das Gute dieser Welt, der Geruch davon. À l'odeur du bon de ce monde. Der peace smell. Ihr, der Geruch ihres Friedens. L'odeur de leur paix. I will give them peace smell. Was ihnen Frieden gibt, wie das riecht. Et la chose qui leur donne la paix, ça sent mauvais. Their love smell. Ihre Liebe, wie sie riecht. Leur amour, ça sent. Praise the Lord. Halleluja. Living peaceably with people does not mean love evil. In Frieden zu leben mit Menschen bedeutet nicht, das Böse zu lieben. Quand Paul nous dit soyez en paix avec tous les hommes, ça ne signifie pas qu'on doit aimer le mal. Amen. Amen. Christ Jesus hates evil. Christus Jesus hasst das Böse. Le Christ, il déteste le mal. He hates what he calls evil. Er hasst das, was was er bösartig nennt. Il déteste ce que lui-même il appelle mauvais. And what he calls evil is people saying no to him. Was er bösartig nennt, ist, dass Leute Nein sagen zu ihm. Et ce qu'il appelle oui mauvais, c'est quand les gens refusent sa personne. Amen. Say no to him and rejecting him. Nein zu ihm zu sagen und ihn zu verweigern. Que tu dis non à lui et que tu lui rejettes. Amen. Amen. The world today will not see that as evil. Aber die Welt würde das heute nicht als bösartig sehen. Mais pour le monde aujourd'hui, c'est pas quelque chose de mauvais. Amen. Mm. Rejecting and ignoring Christ, Jesus, is the root of all evil. Jesus Christus verweigern und ignorieren ist die Wurzel allen Bösen. Rejeter et ignorer le Christ, c'est la racine de chaque chose qui est mauvaise. It is not stealing, killing or destroying. Nicht töten, stehlen und zerstören. C'est pas voler, mentir ou bien détruire, mais faire la fornication. Amen. You know, one of which is the love of money. 1 Timothy 6:10 said the love of money is the root of all evil. Und eine von denen ist die Liebe zum Geld. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel des Bösen, lesen wir. Et même dans 1 Timothée, on a écrit que la racine du mauvais, c'est l'amour de l'argent. Love of money means no to Christ Jesus. Die Liebe zum Geld heißt nein zu Jesus Christus zu sagen. Et l'amour de l'argent, ça signifie que tu dis non à Jésus Christ. Because you cannot love two people. Et du kannst nicht zwei Leute lieben. Parce que tu ne peux pas aimer deux personnes. Praise the Lord. Alleluia. The love of money means Liebe zum Geld. No. No love for Christ Jesus. Das keine Liebe für Christus Jesus. Ça signifie que quand tu as l'amour pour l'argent, ça signifie que tu n'as pas l'amour aussi en même temps pour le Christ. You cannot love two but one. Du kannst nicht zwei lieben, nur du kannst nur für eine Sache entscheiden. Tu ne peux pas aimer deux choses, tu dois choisir une personne, une chose. Praise the Lord. Hallelujah. We can quickly go through some few things and we close. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The greatest today in the world is money. Das größte auf der Welt heutzutage ist Geld. La chose plus grande aujourd'hui c'est l'argent. But the Bible call it the least. Die Bibel sagt es das geringste. Mais dans la Bible on a écrit que c'est le petit. It may heaven call it the least. Das heißt, der Himmel nennt es das geringste. Mais le ciel appelle la plus petite chose. Oui. You know that people drop it, and we always think that these people submit to Christ, but they are dropping just the least. The much is even greater. I don't know if you get it. Dass Leute in der Lage sind, so viel Geld zu geben. Und dennoch Christus Jesus zu widersagen, überrascht uns oft. Aber eigentlich dürfte es nicht überraschen, weil sie ja damit nur das Geringste in der Lage waren zu geben. Et très souvent, quand par exemple les gens bénissent la maison du Christ avec l'argent. On pense toujours qu'ils sont vraiment en Christ et qu'ils choisissent le Christ. Mais même Jésus-Christ a dit que l'argent est la chose plus petite au royaume de Dieu. Donc, ça signifie qu'ils ont seulement rejeté ou bien donné la plus petite chose, mais pas la grande chose. The least means it is the beginning of submission. Es ist der Anfang. I don't know if you get it. Der Hingabe, der Demut. Mm. Donc ça signifie que la chose plus petite, c'est le commencement de la am I to repeat it? Submission de la soumission. Praise the Lord. Hallelujah. The least mean it is the beginning of submission to Christ. Das Geringste bedeutet, dass es der Anfang der Hingabe ist zu Christus Jesus. Donc donner la plus petite chose, c'est le commencement de la soumission devant Jésus-Christ. You know, we have always thought that if you can submit your money, there is nothing you cannot submit to Christ. Wir dachten immer, dass wenn du dein Geld geben kannst, da gibt es nichts, was du nicht geben kannst für Christus Jesus. Et nous on pensait toujours que quand tu donnes ton argent là, il n'y a rien que tu peux pas donner à Jésus-Christ. Have you called submitting your money to Christ the least? Aber der Himmel nennt dein Geld übergeben Christus das Geringste. Mais le ciel nous dit que quand tu donnes ton argent, c'est la plus petite chose que tu as fait. He calls submitting your money to Christ the beginning. And then the beginning of your relationship. Das Geld dem Herrn zu übergeben ist das Geringste, aber es ist der Anfang deiner Beziehung mit Christus Jesus. Et que tu donnes ton argent au Christ, c'est la plus petite chose au royaume de Dieu, mais c'est le commencement de ta relation avec le Christ. He call it the beginning of saying no to Satan. Er sagt, es ist der Anfang vom Nein sagen, dem Satan entsagen. Mais il dit, c'est le commencement à dire non au diable. Amen. It's not all. It's the beginning of saying yes to Christ, but and saying no to Satan. Es ist nicht alles, aber es ist der Anfang von Ja sagen zu Jesus und Nein sagen zu Satan. Mm-hmm. Ce n'est pas tout, mais c'est le commencement de dire non au diable. And that is why there must be fight. Und deswegen muss es einen Kampf geben. Et c'est ça pourquoi on doit avoir un combat. Go to Hebrews 10, verse 32. Hebrews 10:32. On va lire Hébreux 10, verset 32. Praise the Lord. Hallelujah. He said, but call to remembrance the former days in which after you were illuminated, you enjoy a great fight of affliction. Once the light comes, there is going to be fight. Mm. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurde, viel Kampf erduldet habt. Nachdem Offenbarung kommt, wird es einen Kampf geben. Verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Donc, ça signifie qu'après la révélation, tu vas avoir des combats. I thank the Lord for his teaching. Ich danke dem Herrn für seine Belehrung. Mais je remercie Jésus-Christ pour son éducation. We have seen it a lot in this ministry. Wir haben es schon sehr oft in dieser Gemeinde gesehen. Nous avons vu ce cas plusieurs fois dans cette église. Say yes to Christ with your money. Ja zu sagen zu Christus mit deinem Geld. Que tu dis oui à Jésus-Christ avec ton argent. Which is also no to Satan. Auch was heißt Nein zu sagen zum Satan. Das signifie aussi dire non au diable. If your focus is not truly Christ, wenn dein Fokus nicht wahrhaftig auf Christus liegt, wirst du fallen. Because the beginning. Weil es der Anfang ist. Si tu, par exemple, tu donnes à l'église et tu dis non au diable à travers ton argent, que tu donnes ça à l'église. Mais si ta concentration n'est pas sur le Christ, là c'est le nom, parce que là tu vas tomber, parce que c'est le commencement. Amen. Amen. And that is why our focus must be truly Christ. Deswegen muss unser Fokus wahrhaftig auf Christus liegen. Et c'est ça pourquoi notre concentration doit vraiment être sur le Christ. If your focus is not fully Christ, Satan will get you. Wenn dein Fokus nicht wahrhaftig auf Christus ist, vollkommen auf Christus, wird der Satan dich packen. Mm. Et si ta concentration est pas vraiment sur le Christ, là le diable va te prendre. Because you have not arrived, you have just started. Weil du noch nicht angekommen bist, sondern erst angefangen hast mit der Reise. Parce que tu n'es pas encore arrivé, mais tu as juste commencé avec oui. Amen. Amen. It is like praying the prayer of salvation. Das ist ein Rettungsgebet. C'est comme avec la prière du salut. It is also saying no to Satan. Heißt auch Nein sagen zu Satan und ja zu Christus. C'est oui quand tu dis aussi non au diable et oui à Jésus-Christ. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. It's like getting a visa. Es ist wie ein Visum haben. So come, oui, quand tu as un visa. You are not yet in that country. Ah, du bist noch nicht in dem Land. Tu n'es pas encore dans ce pays. That you have a visa does not mean you are already there. Dass du ein Visum hast, heißt nicht, dass du schon da bist. Que tu as un visa, ça signifie pas que tu es dans ce pays où tu veux dans lequel tu veux voyager. We must allow it to be fully Christ. Wir müssen zulassen, dass es vollkommen Christus ist. On doit permettre qu'il s'agisse seulement complètement de Jésus-Christ. If not, sonst, sinon, Satan will get us. Wird der Satan uns packen. Le diable va nous voler. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Again, Christ's kingdom calls submitting your money to Christ, the least. Which is the beginning of saying no to Satan. Nochmal, das Königreich von Christus sagt, dass sein Geld übergeben das geringste ist, obwohl es in der Welt das höchste ist. Mm-hmm. Donc, donner ton argent à l'église, c'est au royaume des cieux, c'est seulement la chose plus petite et c'est aussi le commencement à dire non au diable. You know, that man in Mark 10, that the Lord said, go and sell everything and give to the poor. Mm-hmm. It's as if that was all. Mm-hmm. Actually, that was even the beginning. Mm-hmm. If you are not able to even obey that list, how can you obey much? Der Mann, der reiche Jünger in Markus 10, den Jesus empfangen hat, was er ihm da geboten hat, gesagt, was er ihm befohlen hat, alles zu verkaufen und es den Armen zu geben, das war der Anfang dieser Reise. Und wenn er das Geringste noch nicht mehr tun konnte, wie soll er dann mit dieser Reise anfangen? You cannot get the visa. You cannot get out. You cannot go anywhere. Wenn du nicht in der Lage bist, dieses Visum zu bekommen, wirst du auch das Land niemals verlassen können. Um woanders einzureisen, ja. Mm-hmm. Et dans Marc 10, dans l'histoire de l'homme riche, par exemple, quand Jésus-Christ a dit qu'il doit tout vendre, cette personne n'a pas été capable à le faire. Ça semblait comme si c'est la plus grande chose au royaume des cieux. Mais Jésus-Christ nous montre que c'était seulement le commencement de donner tout et de vendre tout. Donc ça montre si tu n'es pas capable à faire la plus petite chose, comment tu vas être capable à même faire la grande chose. Ça signifie aussi que tu n'es même pas capable à recevoir le visa pour voyager dans un autre pays. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, the kingdom of heaven calls submitting your money to Christ Jesus, the least, which is the beginning of saying yes to Christ Jesus. Mm. It means others are even more difficult than it. Are you getting it? Others are even more difficult. Das Himmel sagt, dass das Geld geben das geringste ist im Königreich. Das heißt, es gibt Dinge, die noch viel krasser sind, die noch viel größer sind als das Geld im Königreich des Himmels. Mm-hmm. Donc, donner ton argent à Jésus-Christ, à l'Église, c'est la chose plus petite au royaume des cieux. Ça signifie qu'il y a des autres choses qui sont encore plus grandes et plus dures que ce que tu fais au commencement. Money is not the most difficult thing to live for Christ Jesus. Geld ist nicht das Größte, was du für Christus Jesus zurücklassen kannst. L'argent, ce n'est pas la plus grande chose que tu peux rejeter ou bien laisser derrière toi pour le Christ. The Bible says life is greater than all money put together. Die Bibel sagt, dass das Leben größer ist als jegliche Geldsumme. La Bible nous dit que la vie est plus grande que toute autre chose comme l'argent. It is like love. C'est so wie Liebe. C'est comme l'amour. Amen. Amen. Love is not greater. Love is not the greatest. Liebe ist nicht das Größte. L'amour est pas la plus grande chose. Amen. Mm. It is a step forward, but not the greatest. Es ist ein Schritt nach vorne, aber nicht das Größte. C'est un pas en avant. C'est un pas en avant. Amen. You know the greatest. Wisst ihr, was das Größte ist? Das Größte ist Vertrauen. Et la plus, mais la plus grande chose est la confiance. Amen. You know, 1 Corinthians 13, it talks about 3 things. And it said the greatest is love. But not 4 things. Go there, please. 1 Corinthians 13. 1 Korinther 13. Er spricht über 3 Dinge, nicht über 4. Dans 1 Corinthiens 13, Jésus-Christ parle de 3 choses, pas de 4. Vers 13. Verset 13. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And now abideth faith, hope, charity. You can see 3 things there. These 3, but the greatest of these is charity, which is the kind of love. Mm-hmm. But there is, you know, yes, there's no number 4 here. Yeah, but here it's kind of there's no number 4. Ici, il n'y a pas une quatrième chose. I hope you get it. Love is not the, you know, love is for the whole world. Liebe ist für die ganze Welt. L'amour est pour tout le monde. Trust is for the sons. Ein Vertrauen ist für die Söhne. Mais la confiance Amen. Est pour les fils. Praise the Lord. Hallelujah. We will stop here, please. Oh. Amen. Or we still continue. Amen. Praise the Lord. Amen. Love is for the whole world, but trust is for the sons. Liebe ist für die ganze Welt, aber Vertrauen ist für die Söhne. Mm. L'amour est pour tout le monde, mais la confiance est seulement pour les fils. Because what belongs to the father belongs to the son. Weil was dem Vater gehört, gehört den Söhnen. Does not belong to the whole world. Aber es gehört nicht der ganzen Welt. Amen. Parce que ce qui appartient au père, ça appartient aussi à ses fils, mais pas à tout le monde. Praise the Lord. Hallelujah. Let's leave. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please, if you have questions, quickly ask them when we close. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sorry.